c'est la nouvelle année et contrairement aux apparences, il n'y a pas que le Covid dans l'actualité scientifique. C'est pourquoi nous allons tenter aujourd'hui de jeter un œil projectif sur ce qui nous attend en matière de recherche et d'événements scientifiques au cours de cette année qui s'ouvre. Dans le désordre, il sera question des MMM, les multiples missions martiennes, du redémarrage du LHC, du cannabis thérapeutique, mais aussi de la future mission lunaire habitée, du lancement après des années de retard du prochain télescope spatial et aussi du parasitisme aviaire ou comment les coucous volent-ils le nid de leurs congénères. Bienvenue dans cette nouvelle année de science et de découverte. Une nouvelle année de science, c'est le programme appétissant qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme scientifique ô combien excitant, comme vous allez le voir, je retrouve avec un plaisir non dissimulé ce qui se fait de mieux en matière de vulgarisation scientifique dans les médias français. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonne année à tous. Et bonne année, directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Philippe Hénaré-Ross. Bonjour et bonne année. Et bonne année, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et mon camarade Mathieu Lefrançois. Bonjour et bonne année Mathieu. Bonjour, bonne année à tous. Rédacteur en chef adjoint de Science et Vie Junior. Mais avant de se projeter dans le futur, on reste bien dans le présent avec notre Natacha Triou temporaire, mais à la voix non moins veloutée. C'est Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour le journal des sciences de la semaine. Et on commence ce journal par ce premier sujet. On comprend enfin comment, Antoine, les spermatozoïdes font pour garder leur cap. Et on le sait grâce à une étude franco-allemande parue aujourd'hui dans la revue Science. Chacune de nos cellules est composée d'un cytosquelette composé entre autres de microtubules, c'est-à-dire des minuscules tubes constitués eux-mêmes d'une protéine appelée tubuline. Les cils et les flagelles présents à la surface de la majeure partie de nos cellules contiennent de nombreux microtubules et la queue des spermatozoïdes est un exemple de flagelle. Ce que montre l'étude menée entre autres par des équipes de l'Institut Curie, c'est qu'une modification de la tubuline appelée glycylation est essentielle à la bonne tenue de route des spermatozoïdes. En l'absence de glycylation sur la tubuline, le battement ondulatoire des flagelles des spermatozoïdes est perturbé et ces spermatozoïdes nagent en rond. Cette absence de glycylation pourrait donc être l'une des causes de sous-fertilité masculine. Au-delà de ce nouvel éclairage sur les mécanismes de l'infertilité, les chercheurs responsables de l'étude affirment que leurs travaux apportent la preuve directe que les microtubules jouent un rôle actif dans la régulation des processus biologiques fondamentaux par le biais d'un code de modification de la tubuline. Voilà, et tout savoir sur la tubuline, comme d'habitude, avec les études appropriées, dont celle dont vient de parler Antoine, eh bien c'est sur notre fil Twitter, @laméthodefc, sur le site franceculture.fr. En bref, Antoine, sauter dans un trou de ver pourrait provoquer sa contraction et sa désintégration. Oui, les trous de ver, ce sont ces hypothétiques tunnels reliant deux trous noirs entre eux et qui connecteraient deux régions de l'espace entre elles, ou bien même, qui sait, deux univers séparés. Grâce à des simulations numériques, des chercheurs danois suggèrent que si l'on sautait dans un trou de ver, la violation de son état d'équilibre serait telle que le tunnel qui le compose s'élargirait et se raccourcirait jusqu'à ce que les deux trous noirs aux extrémités du trou de ver se rapprochent et causent la disparition du trou de ver en formant une paire de trous noirs. On rappelle que tout cela relève de l'hypothèse, aucun trou de ver n'a encore été observé. En bref, toujours, les steppes d'Asie centrale sont menacées de désertification. C'est ce que met en lumière une étude franco-néerlandaise parue dans la revue Science Advances. Les chercheurs ont constitué pour la première fois une chronologie des grands événements climatiques et environnementaux qu'a connu la steppe au cours des 40 derniers millions d'années. En se basant sur l'analyse des pollens découverts dans les différentes strates des sols steppiques, ils ont pu montrer à quel point la steppe est fragile et sensible aux modifications du climat. Selon cette étude, le changement climatique en cours pourrait transformer la steppe en désert hyper aride, et ce de façon irréversible, la mise en place d'un environnement désertique pouvant persister sur des millions d'années. Des objets fabriqués en os de baleine ont été retrouvés dans les Pyrénées. Et pas n'importe quels objets, puisque ces 54 artefacts datés d'environ 18 000 ans sont les plus anciens objets fabriqués en os de baleine connus à ce jour. Ils ont été découverts par une équipe franco-espagnole dans près de 64 sites autour du golfe de Gascogne et dans les Pyrénées. Cette étude parue dans Quaternary Science Reviews révèle une série d'adaptations littorales précoces et partagées avec des réseaux de communication réguliers et structurés à longue distance par les communautés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques qui vivaient au bord du golfe de Gascogne à la fin de la dernière glaciation. En résumé, cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question d'une potentielle nouvelle espèce appartenant au genre Homo. Il a été question également du variant sud-africain du SARS-CoV-2, de la réplication du coronavirus post-mortem, ainsi que d'une nouvelle prouesse de CRISPR-Cas9 pour lutter contre la progéria, mais également dans l'actualité scientifique cette semaine. Antoine est en ultra bref. Si les koalas sont une espèce menacée dans certaines régions d'Australie, dans d'autres, ils sont en surpopulation et causent des dégâts sur les eucalyptus dont ils mangent les feuilles. Pour enrayer ce phénomène, les Australiens viennent de mettre en place une politique de contrôle des natalités chez ces koalas envahissants. Le cœur artificiel de l'entreprise Carmat vient d'obtenir sa certification européenne. Il pourra donc être commercialisé à partir du printemps. Cette bioprothèse pourrait permettre de sauver des vies de patients atteints de pathologies cardiaques en attente de greffon. Et enfin, des scientifiques ont découvert des ondes cérébrales à haute fréquence qui témoignent de la façon dont notre cerveau crée ses propres attentes vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le tout à partir des expériences passées et du présent. Ces résultats sont à retrouver dans la revue Nature Communications. On passe au deuxième sujet de ce journal des sciences de la semaine. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il y a tout de même encore beaucoup de Covid puisque des scientifiques s'inquiètent, Antoine, des conséquences psychiatriques au long cours précisément de la maladie. Oui, il faut être évidemment prudent avec ce genre de sujet, mais la question que posent ces chercheurs dans le Journal of Alzheimer's Association mérite d'être soulevée. Ce qui les a alertés, c'est le nombre important de personnes atteintes par la Covid-19 qui présentaient des symptômes neurologiques dont on sait qu'ils sont causés en partie par une atteinte de l'hippocampe. Même si la pandémie ne dure que depuis un an, ces chercheurs affirment qu'il est essentiel de mesurer dans les années et les décennies qui viennent les conséquences potentielles du coronavirus sur l'évolution du nombre de cas de démence parmi les personnes qui ont contracté la Covid-19. L'étude internationale de masse que viennent de lancer ces chercheurs apportera les réponses à ces questions essentiellement fondées pour l'heure sur des spéculations éclairées. Et puis à propos toujours du coronavirus, le vaccin de BioNTech Pfizer serait efficace contre les différents variants du SARS-CoV-2, Antoine ? Oui, le laboratoire BioNTech annonce aujourd'hui dans un communiqué de presse, qui n'est pas encore une étude, que les anticorps des 20 personnes étudiées ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech neutralisent efficacement le SARS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans les deux souches hautement transmissibles identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Il est encore trop tôt pour crier victoire. L'une des limites de cette étude succincte, soulignée dans le communiqué, est qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des mutations présentes sur ces variants. Le Mexique vient de faire un choix ferme pour son agriculture. Le gouvernement mexicain s'est engagé à bannir de son sol en 3 ans le maïs génétiquement modifié ainsi que le très contesté herbicide glyphosate. Si cette décision a été applaudie par les organisations environnementales, le secteur agro-industriel, lui, a accueilli fraîchement la nouvelle. Et pour conclure ce journal des sciences de la semaine, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, cette semaine, eh bien, on va s'intéresser au changement de sexe d'un saurien. Et l'histoire se déroule à l'aquarium de Melbourne. Alors que le mâle Lophosaurus boidi, c'est le nom de cette espèce de saurien, vient de mourir, les gardiens de l'aquarium constatent que l'une des femelles restantes est en train de changer de sexe pour devenir un mâle. L'observation étonnante ne s'arrête pas là. Alors que la femelle lézard avait atteint sa taille et son poids type, le passage à l'état de mâle l'a fait grossir de 60 grammes, atteignant ainsi un poids type de mâle, et sa crête s'est épaissie, autre signe distinctif des mâles. Enfin, dernière surprise, le tissu ovarien de cet individu a disparu, tandis que des testicules se sont développés. Les chercheurs pensaient avoir découvert le premier changement de sexe chez cette espèce Lophosaurus boidi. Il s'agit en réalité de la première observation d'un changement de sexe chez un reptile adulte. Et l'histoire ne dit pas s'il s'est laissé pousser la moustache. Merci beaucoup Antoine. On retrouvera Natacha lundi sans moustache pour le prochain journal des sciences. Bonne fin de semaine. Peut-être une réaction. Bah, Cécile, je pense qu'évidemment il faut reparler parce que c'est encore évidemment au centre de l'actualité de toutes ces inquiétudes autour des différents variants du SARS-CoV-2, de ce communiqué de presse que l'on vient d'avoir de Pfizer-BioNTech qui affirme que ces vaccins sont efficaces même en cas de mutation et de différents variants. Est-ce qu'on peut croire déjà à ce communiqué de presse ? Est-ce que c'est, à votre avis, suffisamment solide ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire, à votre avis ? Après, c'est toujours la même chose. Il faut toujours aller voir les publications pour les pères, comme d'habitude, mais si les auditeurs qui ont écouté votre très bonne émission d'il y a deux jours l'ont écouté, ils vont se dire qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas du tout péril dans la demeure. Et par ailleurs, semble-t-il, ces vaccins à ARN, qui sont vraiment une grande découverte. Hein. C'est cette crise, tout le monde aurait préféré ne pas l'avoir connue, mais ça a permis le développement de ces vaccins à ARN qui sont très prometteurs pour des tas de maladies, notamment pour le cancer aussi. Et voilà, et elles se seraient beaucoup plus facilement adaptables. Je crois qu'on a annoncé qu'on pouvait les adapter en 6 semaines. Bon, même si c'est pas 6 semaines et que c'est 3 mois, c'est quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour l'instant, moi, je pense qu'on doit rester optimiste. Merci pour l'émission. On va vous remettre le lien, effectivement. Nous avons consacré l'émission de mercredi aux différents variants. Et puis, Antoine Beauchamp, qui me remplaçait, a fait aussi une émission tout à fait passionnante sur ces vaccins à ARN messager qui sont, effectivement, on oublie peut-être de le dire, parce qu'il y a toute cette inquiétude autour de la vaccination, et notamment en France, un pas et un progrès scientifique très, très, très clair et très net dans le domaine de la vaccination. Peut-être un mot, Philippe, on a entendu cette étude autour, et parce que c'est un objet qui fascine, même si il est toujours hypothétique, une réaction sur cette modélisation autour des trous de ver, ou est-ce que c'est de la science un peu bord-cadre selon vous? Non, c'est intéressant, c'est de la science très théorique. Malheureusement, en fait, en astronomie, il faut toujours corréler les modèles avec des observations, et puis l'inverse, les observations avec les modèles. Là, côté observation, on est quand même un peu encore sur notre fin pour ce qui est tout. Enfin, trou noir, ça commence, trou de ver, on n'y est pas encore. Donc, c'est intéressant. Mais quelles sont les perspectives pour un jour observer quelque chose? Là, pour l'instant, on est un peu dans le... Enfin, ça sera pas en 2021, à mon avis. Certainement pas. Mathieu Lefrançois, un mot là-dessus? Oui, moi, ça me fascine ce genre de recherche. Et effectivement, comme l'a dit Philippe, ça reste effectivement plus du domaine de la physique théorique que de l'astrophysique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a fait penser en fait à une actualité de l'été dernier, je crois, où il y avait eu aussi une étude de physiciens théoriciens sur les trous de ver, et où en fait leur conclusion était qu'il était possible de traverser un trou de ver sans mourir, à condition de faire intervenir des dimensions supplémentaires à l'intérieur du trou de ver. Bref, enfin voilà, de quoi se faire beaucoup de nœuds au cerveau. C'est ça, surtout du fuel pour les écrivains de science-fiction, parce que de là à traverser un trou de ver, on n'y est quand même évidemment pas du tout. Complètement, mais c'est toujours... moi, je trouve ça toujours passionnant de suivre ça. Après, la réalité de l'observation, on en est encore très, très, très, très loin. Peut-être un mot également, Cécile, sur Carmat, parce qu'on a suivi cette épopée biotechnologique française avec des résultats, mais des résultats parfois un peu contestés ou contestables. Là, qu'est-ce qu'il faut penser de cette certification européenne? Ça veut dire qu'on va avancer, qu'on va pouvoir bientôt, pour les gens qui ont des pathologies cardiaques très graves, au lieu d'attendre une greffe, pouvoir avoir de vrais cœurs artificiels, ou est-ce qu'on en est là aussi encore un peu loin? Là, je vais faire joker, parce que moi, je n'ai pas suivi cette histoire de très près, mais tous les progrès dans ce domaine sont bienvenus, parce que comme vous le savez, on a besoin de beaucoup de greffons de cœur, et donc si on arrive à mettre des choses en place, ça sera de toute façon très intéressant. Mais moi, je serais revenue sur l'histoire des spermatozoïdes, si vous me le permettez. Avec grand plaisir. Voilà. Parce que pareil, toutes les avancées sur la meilleure compréhension du fonctionnement des spermatozoïdes sont assez bienvenues en ce moment, parce que je me rappelle d'une méta-analyse d'il y a 2-3 ans qui avait montré que chez les hommes du monde occidental au sens large, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe, Australie, le nombre de spermatozoïdes avait diminué de près de 60% en quelques décennies. On avait parlé à ce micro d'ailleurs. Et donc c'est quand même un problème en soi, sauf pour ceux qui espèrent qu'il n'y aura bientôt plus d'hommes sur la planète. Mais voilà. Et donc effectivement, toutes les avancées de ce côté-là sont très intéressantes pour les couples normal d'enfant. Oui, et notamment les questions liées à la mobilité, hein, parce qu'il y avait une diminution du nombre de spermatozoïdes, mais également une diminution de la mobilité qui pouvait produire justement des situations. Un des secrets probablement là, parce que vous savez, il suffit d'un seul spermatozoïde à chaque fois, mais pour que ça marche, il faut qu'il y en ait des millions et qu'il y ait une certaine mobilité de tous ces spermatozoïdes ensemble pour qu'il y en ait un qui arrive au but. France Culture, la méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h15, nous sommes donc en compagnie de nos camarades Mathieu Lefrançois, Philippe Hénaréros et Cécile Lestienne pour faire une sorte de tour de table, de table ronde un peu projective sur ce qui peut nous attendre à l'orée de cette année 2021. On va parler pas mal d'espace, un peu de physique, un peu de biologie, on va faire de l'éthologie aussi, un programme riche. Et pour commencer, celui qu'on appelle peut-être l'information, en tout cas que l'on attend depuis si longtemps, depuis tant de mois et d'années, qui a fini par gagner le nom de l'Arlésienne de l'observation spatiale, tant son lancement a été retardé, annoncé, redécalé, puis avec le Covid évidemment, ça n'arrange rien. C'est le James Webb Space Telescope, Mathieu Lefrançois, et cette fois-ci, si tout va bien, mais ça n'est pas garanti, le meilleur n'est jamais sûr, si tout va bien, normalement il serait lancé au mois d'octobre. C'est ça, si tout va bien, effectivement. Alors, moi, j'ai choisi d'être optimiste, parce que je pense qu'on a besoin d'optimisme pour cette période. Cache pas. Alors, oui, je prends le risque de dire que 2021 sera effectivement l'année du lancement du James Webb. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, parce que normalement, le lancement, la date initiale, alors, on sait qu'en matière d'exploration ou de lancement spatiaux, il y a toujours des délais, mais est-ce que le James Webb, finalement, c'est pire, ou est-ce que c'est juste qu'il est extrêmement attendu et que du coup, on a le nez sur le calendrier en espérant un jour que ce télescope nouvelle génération soit enfin en orbite? Alors, le James Webb, c'est une longue histoire qui a quand même commencé dès 1989, c'est-à-dire à peu près à la période où Hubble a été lancé. On commençait déjà à réfléchir à son successeur. Alors, des dates de lancement du James Webb Space Telescope, j'ai pas fait le compte, mais il y en a eu beaucoup. Philippe Hénaréros, vous avez le calendrier en tête? Ouais, je crois que la première, initialement, c'était 2007. Ah, 2007, oui. Voilà. Avec un budget de 500 millions de dollars. Mmh. Et là, on est en 2021 avec un budget de près de 10 milliards de dollars. c'est un peu augmenté. Ouais. Mathieu, je vous laisse poursuivre. Ça, alors le projet évidemment a beaucoup évolué, hein, puisque au départ c'était la NASA, après d'autres agences comme l'Agence spatiale européenne, enfin voilà, sont venues un peu renforcer les équipes et le projet. Mais voilà, effectivement, Philippe l'a dit, il y avait 2007, on a entendu après 2013, 2015, 2018, ainsi de suite. Beaucoup de difficultés techniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi un télescope qui est très ambitieux. Parce qu'on en parle souvent effectivement comme le successeur de Hubble. En fait, c'est assez inapproprié parce que le James Webb ne va pas exactement regarder ni la même chose ni au même endroit. C'est ça. C'est plus, moi, je vois plus comme effectivement un héritier de Hubble. C'est-à-dire Hubble, en fait, lui regardait surtout dans le visible ultraviolet un tout petit peu le proche infrarouge. Ce qui fait qu'en fait, ça le limitait à une certaine population de galaxies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait qu'avec l'expansion de l'univers, on sait que la lumière des galaxies, plus comme elle s'éloigne de nous, leur lumière est progressivement décalée vers le rouge. C'est l'effet Doppler. Et plus elles sont anciennes, plus ce décalage est important. Et donc, si on veut regarder loin dans le temps, des galaxies très anciennes, il faut au bout d'un moment être capable de regarder de plus en plus dans la bande infrarouge, ce que le Hubble ne savait pas faire. Et c'est une des raisons qui a lancé un peu le projet du James Webb. L'autre limitation de Hubble, c'est la taille de son miroir primaire. Mm-hmm. Plus le miroir est grand, plus on collecte de lumière, mais encore faut-il être capable d'envoyer un très grand miroir dans l'espace. Et c'est là effectivement toute la difficulté du James Webb, c'est qu'en fait on a un miroir primaire sur le James Webb qui fait un peu plus de 6 mètres, 6 mètres 50, de diamètre, et typiquement en fait il ne rentre pas dans la coiffe du lanceur Ariane 5 qui doit le mettre dans l'espace. Donc en fait c'est un système de miroir qu'il faut plier, qu'il faudra déplier une fois largué, et on comprend bien derrière qu'il y a quand même énormément de problématiques d'ingénierie, de problématiques technologiques qui viennent avec ça. Et alors du coup, où on en est exactement? Est-ce que on est bien engagé pour respecter ce calendrier de lancement du mois d'octobre? Qu'est-ce que là au moment où on parle, il est où ce télescope? Est-ce qu'il est assemblé? Comment ça se passe sur le rétroplanning, comme on dirait, Mathieu? Alors, ça a l'air quand même bien en place. C'est-à-dire qu'effectivement, sur 2020, il y a quand même eu beaucoup de jalons qui ont été franchis avec succès. En avril de l'an dernier, on apprenait que le miroir primaire du télescope avait passé, donc avec succès, les tests de déploiement. En fin d'année, c'était des tests de résistance au bruit, aux vibrations liées au décollage. Qui était revenu positif, et fin décembre, enfin, on apprenait que le test de déploiement du bouclier solaire, donc qui va permettre de protéger la partie du télescope, de la protéger en fait des rayons solaires et de la tenir au frais, que ce test de déploiement du bouclier s'était lui aussi déroulé sans encombre. Alors effectivement, ça n'a pas été, vous l'avez dit, ça n'a pas été sans difficulté avec l'épidémie. D'où ce report. Initialement, on était sur Mars, et un report qui est à fin octobre, au 31 octobre, normalement. On va vous mettre le lien vers... On avait consacré une émission entière, parce qu'on en avait... Si vous saviez combien de fois on a déprogrammé cette émission sur le James Webb Space Telescope, il réapparaissait régulièrement sur notre tableau de programmation. Finalement, on l'a fait il y a quelques semaines. Vous partagez l'optimisme de Mathieu, Philippe, sur ce lancement du mois d'octobre ? Oui, parce que il va bien falloir. Là, quand même, on arrive au bout de l'histoire. C'est-à-dire que le télescope est assemblé, il a été testé, retesté, il y a eu des problèmes. Les tests arrivent au bout, quand même. Il faut arrêter de le secouer, là, maintenant, ce télescope, parce qu'il a été construit depuis longtemps. Non, mais sans rire. Il faut l'emballer et l'expédier dans l'espace le plus vite possible, avec une des dernières fusées Ariane 5, d'ailleurs. Ça pourrait être, je sais pas, le plan de vol des fusées Ariane, mais ça sera une des toutes dernières fusées Ariane 5 qui emportera le télescope. Non, mais ça devrait marcher. À moins d'un report à cause du Covid, encore une fois, là, la fusée, grosso modo, elle est prête. Le télescope est prêt, donc il n'y a plus qu'à allumer la mèche. En espérant... Attendez, ne portez pas malheur, Philippe, parce qu'allumer la mèche, ça peut donner lieu à des interprétations avec la chkoumoune, oui, qu'il y a sur ce télescope. Ce serait quand même dommage. Non, mais ce télescope, il a peut-être eu la chkoumoune au départ, mais peut-être qu'il l'aura moins que Hubble, finalement. Je vous rappelle quand même que Hubble, qui est le navire amiral de la NASA, son miroir, il a été mal taillé au départ. On s'en est aperçu une fois qu'il était dans l'espace. Il était myope, ce télescope. Il a fallu le réparer. Alors, celui-là sera peut-être bien conçu, mais alors attention, il y a effectivement 5 ou 6 jours après le lancement qui seront cruciaux, parce que les écrans, les panneaux solaires, le miroir secondaire, tout ça doit se déployer progressivement. Et s'il y a le moindre élément qui se grippe, la mission est perdue. Parce qu'on ne pourra pas, contrairement à Hubble, aller le réparer. C'est ça, on ne pourra pas. Hubble, on a pu, parce que le télescope avait été pensé pour pouvoir être mis à jour au fur et à mesure avec des missions spatiales, ce qui n'est pas le cas du James Webb. Peut-être un mot de conclusion, Mathieu, pour nous dire ce qu'on devrait voir normalement, la première lumière, comme on dit, et qu'est-ce qu'on devrait avoir comme premier résultat, ou ce qu'on peut attendre de ce fameux James Webb Space Telescope, en quelques mots. Et ce qu'on attend, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est cette première lumière, c'est-à-dire c'est les premiers âges de l'univers, en fait, quand on était à 100-200 millions d'années. Avant, au-delà du fond diffus cosmologique. Non, ou après. Après le fond diffus. Le fond diffus cosmologique. Parce qu'avant, c'est compliqué. Les premières étoiles. Enfin voilà, vraiment les premières humaines, les premières lumières, les premières étoiles, les premières galaxies. Et un autre intérêt aussi, et ça, je sais que Franck Celsis, que vous avez reçu récemment, est aussi intéressé par ça, c'est qu'on attend aussi de pouvoir caractériser, grâce au James Webb, les atmosphères d'exoplanètes. Oui, c'était l'émission de mardi où on a parlé des systèmes exoplanétaires, notamment Beta Pictoris et Trappist 1. Dans l'espace, on va passer à la deuxième grande attente ou grande excitation. 2021, Philippe, pour le coup, on pourrait dire que c'est en quelque sorte la ruée sur Mars, avec pas moins de 3 missions qui devraient arriver sur et autour de la planète rouge. Et la première, qui est certainement, ou peut-être en tout cas la plus excitante, c'est l'arrivée dans peu de temps, dans quelques semaines, du rover Perseverance, qui doit collecter des échantillons de roches martiennes. Oui, absolument. La mission Perseverance, c'est un rover qui est en grosso modo le jumeau de Curiosity qui marche toujours à la surface de Mars. Alors, il n'a pas exactement les mêmes instruments et il doit se poser selon un scénario qui est le même, c'est-à-dire il y a les fameuses 7 minutes de terreur. Ça sera le 18 février au soir, autour de 21h en France. Je peux vous dire qu'on, à Ciel Espace, on va le suivre. On fera même un Twitch en direct pour suivre ça. Seconde après seconde, parce que on parle de 7 minutes de terreur, parce qu'il faut pas oublier que même s'il y a eu beaucoup de succès sur Mars, il y a eu aussi beaucoup d'échecs, et se poser sur Mars, ça reste quelque chose de très compliqué. Et là, la stratégie utilisée, c'est d'abord un bouclier thermique qui freine la sonde. Après, il faut ouvrir un parachute alors qu'on est en vitesse supersonique. Mais comme l'atmosphère de Mars n'est pas suffisante, un parachute, ça suffirait pas, on s'écraserait. Il faut ensuite des rétrofusées. Mais comme si ça suffisait pas, eh bien, il y aura des rétrofusées qui garderont la sonde en suspension, en l'air, à quelques mètres du sol, pendant que des câbles se dérouleront et poseront le rover à la surface en douceur. C'est ce qu'on appelle la sky crane, la grue du ciel, en fait. Et puis ensuite, il faudra couper les câbles, éloigner la sonde pour pas qu'elle tombe sur le rover et qu'elle ne l'écrase. Et tout ça, ça doit bien se dérouler. Ça a super bien marché en 2012 avec Curiosity, mais on n'a qu'une seule expérience. Donc, ça vaudra quand même le coup de suivre ça avec attention. Easy peasy, comme on dit en anglais. oui, oui. Non, et puis, c'est vrai qu'on l'oublie parce qu'on parle beaucoup des succès. Et heureusement, comme ces missions sont très redondantes, qu'il y a beaucoup de précautions, qu'il y a énormément de travail, il y a beaucoup de succès dans l'espace, mais il y a aussi des échecs. Et en France, on peut en parler, parce que ce qui apparaît est resté en travers de la gorge de pas mal de monde en s'écrasant sur Mars. Qu'est-ce qui va se passer avec Perseverance? Quelle va être la différence finalement entre Perseverance et Curiosity? On passe sur le modèle au-dessus, on passe sur le grand frère. Là, pour le coup, on peut le dire, contrairement au James Webb et Hubble. Alors là, la mission est sensiblement différente. Ce qui diffère beaucoup, c'est qu'à bord de Curiosity, vous aviez un gros laboratoire qui permettait d'analyser des échantillons qui étaient récupérés sur le sol et de les analyser sur place, de faire de la minéralogie en quelque sorte. Là, il n'y a plus ce gros laboratoire. Il y a par contre la même chose qui est, vous vous souvenez de ChemCam, qui était une caméra où avec des tirs laser sur les roches à distance, on faisait des spectres et on arrivait à savoir à distance un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. Là, il y aura super Cam. Ça, c'est une caméra française qui est faite par le CNES avec des scientifiques français qui sont derrière, donc qui vont continuer avec une meilleure résolution, avec plus de tirs laser à expertiser l'environnement. Et cet environnement-là, il est tout à fait remarquable parce qu'on a choisi un cratère qui s'appelle G0. Mmh. Et ce cratère, naguère, on sait qu'il a été totalement rempli d'eau parce que l'endroit où va se poser Perseverance, c'est ce qu'on appelle un vestige de delta. On voit très bien que c'est un delta d'un fleuve qui remplissait cet immense lac qui fait de l'ordre de 300 km de diamètre. Et donc là, on sait qu'il y a des argiles. Et les argiles, ben, c'est des roches qui sont altérées par la présence d'eau et qui sont intéressantes pour étudier les conditions d'habitabilité de la planète Mars. Donc il n'y aura pas, si vous voulez, d'analyse in situ, mais par contre, avec son petit bras musclé, Perseverance va gratter le sol, va avec sa pelle et son seau en quelque sorte, il va prendre la pelle et il va remplir son seau. C'est un sacré bac à sable. Ouais, c'est ça. Et il va fermer le seau, enfin un peu comme une boîte de conserve. Et il va poser à plusieurs endroits des petites boîtes de conserve comme ça, qui devront être récupérés par un autre rover, celui-là conçu par l'Europe, peut-être plusieurs années après, par la mission de retour d'échantillons. C'est-à-dire que Perseverance va ramasser des échantillons dans un contexte bien connu par les géologues, les mettre quelque part à la surface. Ensuite, la NASA enverra une autre sonde se poser pas trop loin, avec à bord un rover européen qui ira ramasser les petites boîtes avec les échantillons et qui ira mettre les échantillons à bord d'une fusée pour redécoller. Et cette fusée va, après des manœuvres encore complexes, revenir sur Terre, un peu comme on l'a vu récemment avec les échantillons d'astéroïdes d'Hayabusa. Hayabusa, bien sûr. Quelle est la date de retour des échantillons prévus? Là, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire que là, vous voyez, le 18 février, Perseverance se pose, si tout se passe bien. Ben ça sera le retour des échantillons serait 10 ans plus tard, quoi, à peu près. Il y a une autre nouveauté assez excitante sur Perseverance, c'est qu'il y a le rover et le rover est équipé d'un autre petit module volant, celui-là. Oui. Absolument, c'est on peut appeler ça un drone. Mmh. C'est un, plutôt, ouais, c'est un hélicoptère. Alors l'atmosphère de Mars est très très fine, donc les pales de cet hélicoptère qui mesure quelques dizaines de centimètres de diamètre, ces pales, elles tournent, je crois, 5000 fois plus vite que les pales d'un hélicoptère terrestre, parce que faut battre des bras, ouais, hein, dans l'air raréfié de Mars. Mmh. Et il aura pour mission, si vous voulez, de faire de la reconnaissance un petit peu pour guider le rover. Il pourra se poser, ses flancs seront avec des panneaux solaires. Donc il pourra voler pendant quelques minutes, puis après il faudra qu'il se pose, qu'il se recharge, et puis il pourra faire quelques vols comme ça de reconnaissance. À quelle distance? Oh, quelques dizaines de mètres, peut-être quelques centaines de mètres, mais pas plus. Mmh. Il devra toujours revenir à proximité de Perseverance. Mmh. Et j'ajoute, il y a une autre expérience à bord de Perseverance aussi, qui est, elle, en préparation de futures explorations humaines éventuelles, un jour. C'est à partir du sol martien, arriver à extraire de l'oxygène pour voir si on peut créer du carburant ou de l'oxygène pour respirer. Mmh. Alors ça, c'est pour Perseverance, mais il y a deux autres missions. C'est vraiment 2021 et martienne. Il y a deux autres missions, oui. Une mission Emirati et la troisième, c'est une mission japonaise, chinoise. C'est la mission chinoise. Chinoise, bien sûr. C'est la mission Tianwen 1. Alors là aussi, faut en parler parce que évidemment, en matière de communication, la Chine, c'est pas la NASA, donc on ne sait pas trop de choses à l'avance. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une mission extrêmement ambitieuse. On parlait tout à l'heure de la difficulté de se poser sur Mars, avec de nombreux échecs, notamment les Russes, mais aussi les Américains, les Européens, etc. Les Chinois sont jamais allés vers Mars avec des sondes spatiales. Là, c'est la première. Et ben, elle manque pas d'ambition parce qu'il y aura un orbiteur, c'est-à-dire un satellite qui va tourner autour de Mars. Et un rover. Il y aura un lander qui, à bord, portera un rover qui va se déployer. Donc, vous voyez, l'ambition, elle est énorme. Alors, cette mission-là, elle est faite sur l'architecture des missions Chang'e 3 et Chang'e 4. Vous vous souvenez qui ont déposé déjà des rovers sur la Lune. Mmh. Donc, c'est un peu du recyclage, mais remis à l'échelle martienne. Donc, on va bien voir comment les Chinois vont communiquer. De temps en temps, ils font du direct. La plupart du temps, c'est du léger différé. Après, c'est un peu dur pour avoir des images en haute résolution, mais on verra bien. Peut-être que ils vont quand même nous montrer un nouveau paysage de Mars. Et la mission Emirati, là, pour le coup, c'est déjà beaucoup. C'est une sonde. C'est une sonde qui sera en orbite autour de Mars. Alors là, c'est moins ambitieux. Il y a quelques expériences scientifiques, évidemment, mais c'est quand même une première. C'est jamais facile d'envoyer des choses autour de Mars. Donc il y a un programme scientifique qui est quand même plus modeste. Je dirais pas que c'est une mission de démonstration, parce qu'il y a quand même un programme scientifique. Mais disons que c'est une mission un peu plus classique, un peu moins compliquée au point de vue de la réalisation. Mathieu, une réaction à cette année martienne et bien toutes les informations qu'on devrait réussir à collecter au fur et à mesure sur la planète rouge? Oui, non, mais effectivement, c'est passionnant à deux titres. Philippe l'a dit, déjà, c'est l'ambition de cette mission chinoise. Que je trouve effectivement assez folle dans son timing, c'est-à-dire qu'en fait je crois qu'on parle d'une arrivée en orbite autour de Mars vers mi-février pour un atterrissage du rover vers mai, quoi, le temps de trouver le bon lieu pour déposer le rover. Mais ça va de pair avec l'ambition de la Chine sur le spatial ces dernières années. On l'a encore vu en 2020 avec le retour d'échantillons lunaires de Chang'e 5. Cécile, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces missions martiennes? Bon, comme vous savez, c'est des sujets que je connais moins, mais sans mauvais jeu de mots, quand je vois la persévérance, la ténacité de tous ces chercheurs qui, malgré les retards, les échecs, voilà, continuent encore à faire avancer ces projets, voilà, moi, ça me rassure, ça me prouve que l'espèce humaine, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas atteinte d'une grave épidémie de déficit de l'attention et qu'on arrive à tenir les projets pendant longtemps. Et donc, c'est une preuve d'optimisme. Et en 2021, Mars, et ça repart. Ich bin ein riesiger Berg. Ich bin ein Geräusche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Furtbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Contrairement à ce que vous entendez, il s'agit bien de musique française. Compromat, Niemand, Compromat, le DJ Vitalik avec la chanteuse de Sexy Sushi. Ça donne ce fort chouette morceau pour poursuivre notre émission et notre tour de table de l'actualité scientifique à venir pour cette nouvelle année 2021. On va quitter un peu l'espace parce que ça va bien comme ça, deux secondes. Et on va revenir sur Terre pour aller dans l'espace peut-être d'une autre façon. Un peu plus planant peut-être. Un peu plus planant. En tout cas, c'est un élément qui va considérablement changer la prise en charge d'un certain nombre de pathologies ou de douleurs chroniques et qui est pour la France, Cécile, une petite révolution intellectuelle tant il est vrai que nous sommes en la matière l'un des pays occidentaux les plus conservateurs sur le sujet. Il s'agit de l'autorisation et de la commercialisation des premiers médicaments à base de cannabis thérapeutique. Oui, le 9 octobre dernier est paru le décret qui autorise l'utilisation thérapeutique du cannabis. Donc voilà, c'est bien thérapeutique. L'utilisation récréative est absolument toujours interdite et les champs de cannabis que vous pouvez trouver en Île-de-France ne sont pas les bons, comme vous le savez. Mais c'est vraiment intéressant parce que on va pouvoir enfin mieux comprendre comment le cannabis fonctionne. Et ce n'est pas le premier pays à autoriser ça. Il y en a déjà une trentaine, voilà. Mais là, en 2021, il est prévu de faire des études sur à peu près 3000 personnes qui ont des maladies graves et qui provoquent des douleurs vraiment très dures et difficiles que les traitements habituels ne parviennent plus à traiter. Voilà. C'est quel type de maladie ? Alors, ça peut être l'épilepsie, le cancer, voilà, la sclérose en plaques, par exemple, certains cas de sida, et puis ce qu'on appelle les douleurs chroniques neuropathiques, voilà, qui sont des douleurs liées aux fibres nerveuses de la douleur nociceptives et qu'on n'arrive vraiment pas à traiter. Ce qui est intéressant, c'est que pour les raisons que l'on peut imaginer d'ailleurs ou pas, pendant très longtemps, la recherche sur les cannabinoïdes et sur les produits issus du cannabis, ça a été freiné, pour le dire peut-être avec un léger euphémisme. Aujourd'hui, on commence à mieux connaître ces réseaux cannabinoïdes puisqu'on a des réseaux intérieurs, hein, c'est-à-dire que ça correspond à des, vous allez nous le dire, à des neurorécepteurs et à des neurotransmetteurs que l'on produit naturellement, et notamment eh bien, à leur effet sur l'interruption de la douleur, également sur leurs effets anti-inflammatoires. Bref, on se rend compte, on découvre ce continent en fait. Oui, qu'on connaît déjà un peu, mais là, il s'agit de l'étudier de façon ciblée, d'où l'idée qu'effectivement, et voilà, on ne va pas vous autoriser à fumer un petit joint, excusez-moi Nicolas, pour soulager votre douleur, parce que le cannabis, de façon naturelle, produit environ 421 composés chimiques, voilà, dont 61 cannabinoïdes. Mais pour les étudier, il faut savoir effectivement quelle teneur il y a, et donc ça sera commercialisé, enfin utilisé sous forme de médicaments, dans la teneur en THC notamment, c'est le tétra... hydrocannabinoïde. Voilà. Hydrocannabinol, ça. Voilà. Qui est la substance la plus active, voilà, avec d'autres cannabinoïdes, voilà, qui seront utilisés dans ces médicaments pour les comprendre. En fait, le THC, on l'a isolé depuis 1965, si je me souviens bien, voilà. Et donc, on savait déjà à l'époque, on a pu montrer que ça avait des effets à la fois psychotropes, antalgiques, donc antidouleurs, antispasmodiques, ça stimule aussi l'appétit, ça empêche les vomissements et ça module les états émotionnels. Voilà, tout ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que à forte dose ou mal utilisé, ça détériore la mémoire et ça aussi perturbe assez gravement les mouvements. Donc, d'où l'idée de faire attention à ce qu'on fait. Mais en revanche, les effets antidouleurs notamment sont vraiment très forts et très intéressants. C'est de dosa facit fenenum, c'est ça l'expression latine, je vérifie. C'est deux choses. C'est la dose qui fait le poison. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. et du coup, alors, en fait, donc, pour le moment, c'est dans un cadre très, très strict, très rigide. Mais effectivement, en fait, on se rend compte que ce système endocannabinoïde, il est vraiment extrêmement efficient, notamment sur les questions de douleur, et que surtout, et c'est assez passionnant, il fonctionne en complémentaire du système opioïde. En fait, qui est utilisé traditionnellement pour réduire la douleur via la morphine. Exactement. En fait, quand on dit que c'est des endocannabinoïdes, enfin, que c'est. Comment fonctionnent ces cannabinoïdes? C'est l'image classique, vous savez, de la clé dans la serrure. Voilà. Ils se fixent sur des récepteurs. Voilà. Et nous, naturellement, nous produisons deux types de récepteurs, notamment le CB1 et le CB2. Mmh. CB1, c'est justement dans le système nerveux, le cerveau, la moelle épinière. Voilà. Et le CB2, c'est dans le système immunitaire. Voilà. Et on s'est aperçu que naturellement, nous produisions des endocannabinoïdes, donc des cannabinoïdes de l'intérieur. C'est ça que nous produisons nous-mêmes. Nous-mêmes, voilà. Et qui s'appellent, il y en a deux notamment, qui s'appellent l'anandamide. Anandamide, ça vient du sanskrit ananda, qui veut dire béatitude. Donc c'est tout un programme. Voilà. Et le deuxième, un nom un peu moins glamour, c'est le 2-1-G. Voilà. Et donc ces endocannabinoïdes naturels ont permis en fait aux chercheurs de cartographier où étaient ces fameux récepteurs, ces fameuses serrures. Voilà. Dans le cerveau. Dans tout le système. Dans tout le système nerveux. Mmh. Voilà. Et dans le système immunitaire, on en reparlera tout à l'heure si on a le temps. Voilà. Et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement que ces récepteurs étaient particulièrement exprimés dans certaines parties du cerveau, d'où les effets psychotropes et tout ça. Et aussi dans certaines parties de la moelle épinière, là justement où arrivent toutes les terminaisons nerveuses nociceptives, toutes ces fibres qui ramènent les signaux douloureux de l'organisme. Et c'est très efficace là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que ces récepteurs se trouvaient à peu près au même endroit, cette cartographie des récepteurs, si vous voulez, recouvrait la cartographie d'un autre système, qui est le système opioïde, voilà, qui est justement, lui, sensible aux opiacés, voilà, et qui est un autre système de contrôle de la douleur naturelle. Et en fait, ce qui semblerait se passer, et qui est vraiment intéressant, c'est que ça marche selon le double effet qui se coule, si vous voulez. C'est très très important, parce qu'on sait qu'il y a tous ces problèmes d'effets secondaires et d'addiction liés aux opioïdes, d'où la crise d'ailleurs du même nom aux États-Unis, qui est une crise sanitaire très très importante, dont on parle moins, mais qui a coûté la vie et des problèmes d'addiction très lourds à des centaines de milliers de personnes. Et là, on se rend compte que grâce à cette connaissance de l'intrication de ces deux réseaux, on peut et bien potentialiser finalement l'effet de l'un par l'autre. Exactement. En fait, les cannabinoïdes, voilà, sembleraient potentialiser l'effet de la morphine quand on l'utilise justement pour soulager des douleurs très très très fortes. Voilà. Et ça amplifie justement sans faire rentrer le patient dans l'espèce d'escalade, voilà, de la morphine qu'on connaît, qu'il en faut toujours plus pour avoir les mêmes effets. Donc, ça serait vraiment très intéressant là-dessus. Mais je rappelle que il est possible que si vous fumez beaucoup de cannabis, vos récepteurs aux cannabinoïdes pourraient être saturés de leur côté. Donc il faut quand même faire un peu attention de ce côté-là. Mon latin étant un peu rouillé, ce n'est pas dosa, c'est dosis sola facit venenum. C'est donc la dose qui fait le poison. Peut-être on pourra dire, alors il y a un dossier qu'on peut retrouver sur le cannabis. Oui, bien sûr, sur le site dans le numéro de janvier de Pour la Science et sur le site pourlascience.fr, voilà. Bien sûr. Avec tous les dessins qui montrent toute la cascade moléculaire, comment ça marche, c'est un peu compliqué à expliquer c'est facile à voir sur le schéma. Et c'est vraiment passionnant, je pense qu'on consacrera une émission entière parce que c'est vrai que c'est très très intéressant. On n'a pas le temps d'évoquer l'aspect anti-inflammatoire, etc. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que enfin les verrous de la recherche ont sauté en France et c'était loin d'être gagné. On va passer alors de façon façon un peu plus brève, à une deuxième actualité à venir pour cette année 2020 par chacun d'entre vous. Mathieu, 2020, c'était l'année dernière, et on oublie 2020, hop, sous le tapis. 2021, Mathieu, c'est aussi le début du redémarrage du grand collisionneur de Hadron au CERN. Tout à fait. Voilà, ça change un peu de l'espace. Bah oui, parce qu'en fait, le LHC, donc le grand collisionneur de Hadron, est arrêté depuis 2018. Alors c'est tout à fait normal. C'est qu'en fait, il fonctionne par grandes périodes d'activité avec de la prise de données, ce que les chercheurs appellent les runs, et puis des périodes de maintenance qui servent notamment, en fait, à effectuer toutes les réparations pour les appareils, parce que on a quand même énormément d'énergie dans ces faisceaux de protons qui parcourent les tuyaux du LHC. Donc ça détériore, il peut y avoir des fuites. Et ça sert aussi, ces périodes de maintenance, à préparer l'avenir et les futures expériences ou les futurs appareillages. Donc là, effectivement, cette deuxième période de maintenance, il était prévu qu'elle se termine fin 2020, début 2021, pour pouvoir reprendre les expériences. Vous doutez bien que l'épidémie de Covid est passée par là et a évidemment occasionné un peu de retard. Et du coup, qu'est-ce qui va changer? Parce que on se souvient que lors de la première interruption, hein, parce que tout cela est évidemment programmé sur l'équipement depuis le début. Le premier shutdown, c'était 2013-2014, quand le LHC a repris avec à des niveaux d'énergie supérieurs, qui sont les niveaux d'énergie pour lesquels il était prévu. Il est monté, alors pas tout à fait au maximum, qui est le 14 téraélectronvolt, mais 13 téraélectronvolt. Du coup, après cette pause qui est un peu plus longue, hein, 2018-2022, puisque là ça va être les tests de remise en route, qu'est-ce qui va être amélioré, qu'est-ce qu'on peut attendre du LHC? Alors notamment en fait toute la chaîne d'accélérateurs, c'est-à-dire qu'en fait on n'envoie pas les faisceaux de protons directement quasiment à la vitesse de la lumière dans le LHC, donc le cercle final, mais en fait ils sont accélérés, c'est une accélération par étage, un peu comme ce qu'on peut faire dans le spatial d'ailleurs. Et en fait, on utilise pour ça un peu les anciennes installations du CERN, donc qui commencent forcément à accuser un peu leur âge. Donc c'est toute cette chaîne d'accélérateurs en fait qui subit un grand coup de neuf. Et puis également les détecteurs des principales expériences installées au LHC. Et avec évidemment cette question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va enfin avoir la création d'un trou noir sous la Suisse? Ce serait hautement improbable. Concrètement, ça veut dire que le LHC va pouvoir monter finalement à l'énergie, au niveau d'énergie auquel finalement il a été conçu pour ses 14 téraélectronvolts. Qu'est-ce qu'on gagne avec un téraélectronvolt en plus? Qu'est-ce qu'on devrait voir? Est-ce qu'on va voir de nouvelles particules? Est-ce qu'on attend des choses en particulier, ou est-ce que on laisse le champ ouvert à tous les possibles? Alors surtout ce qu'on attend en fait sur le run 3, donc qui démarrera au final la prise de données donc à partir de mars 2022. Ce qu'on attend en fait, c'est que la luminosité, alors ce que les chercheurs appellent la luminosité, c'est grosso modo en fait c'est proportionnel au nombre de collisions. Et plus la luminosité est importante, plus les expériences récoltent de données et plus elles ont des chances d'observer des processus rares sur la physique au-delà du modèle standard. Et donc ce qu'on attend en fait, c'est que sur ce run 3, on s'attend à ce que la luminosité soit en gros équivalente à la somme de tout ce qu'on a déjà eu. Donc voilà, donc énormément d'attentes à ce niveau-là. Et après, faut voir aussi qu'il n'y a pas que. Alors, c'est un long processus de redémarrage, hein, c'est-à-dire que il suffit pas d'appuyer sur l'interrupteur on/off et puis ça repart pas comme ça. Il faut refroidir quand même. Tout ça est refroidi à moins 271 degrés pour que les aimants soient supraconducteurs et pour pouvoir avoir des champs magnétiques suffisamment puissants pour contrôler tous ces faisceaux-là. Actuellement, en fait, on a un secteur sur les 8 du LHC qui est déjà remis à froid. Ça va continuer sur les mois qui viennent. On attend les premiers faisceaux de test à l'intérieur du LHC pour septembre 2021, 4 mois plus tard que prévu. Et donc, comme je vous le disais, un redémarrage de prise de données pour mars 2022 pour les expériences. Et on suivra évidemment ça avec passion et curiosité. Philippe, autre nouvelle à attendre, on retourne un peu dans l'espace, c'est le début du début de l'introduction du retour putatif dans quelques années de l'être humain sur la Lune. Et oui, normalement, en 2021, on devrait enfin voir la grande la grosse fusée Space Launch System SLS de la NASA emporter une capsule vide sans équipage, mais autour de la Lune, dans le but d'y revenir bientôt, avec dans le cadre du programme Artemis. Je dis on devrait enfin, parce que là aussi, ça rappelle un peu le James Webb Space Telescope dont on a parlé en début d'émission. Les retards se sont accumulés. Cette fusée devrait déjà voler depuis 2015. On espère qu'elle va voler en novembre 2021, mais rien n'est moins sûr, parce que, par exemple, doit avoir lieu d'ici à partir du 17 janvier prochain, une étape majeure qui est l'allumage de l'étage central de cette fusée, les quatre moteurs simultanément, et vont rugir pendant 8 minutes, c'est-à-dire que ça va simuler sur un banc statique, elle va pas décoller la fusée, c'est dans le Mississippi, c'est un banc spécial qui avait été créé pour les fusées Saturn V de l'époque d'Apollo. Ça doit être mis à feu et ça doit marcher. Si ça marche pas, les cartes du Mississippi sont à refaire. Donc c'est-à-dire ça peut inquiéter ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a je sais pas combien de milliers de centaines de tonnes de carburant si jamais ça doit mal tourner gigantesque. Bon, en principe, ça devrait pas arriver quand même. Alors, vous voulez faire exploser le James Webb télescope, vous voulez raser le Mississippi de la carte, décidément. Non. 2021. Moi, 2020 vous a mis dans de mauvaises conditions, Philippe, je trouve. On est un peu bougon, c'est vrai. Mais non, tout ça pour dire que ce test auquel je fais allusion aurait dû avoir lieu au printemps dernier. Évidemment, il a été retardé à cause de la crise de Covid aux États-Unis, mais pas que. C'est-à-dire que Boeing, le principal entrepreneur de cette fusée-là, a accumulé les retards, les problèmes techniques, etc. Donc, si les essais se déroulent bien, là, fin janvier, il n'est pas sûr du tout que la date de novembre 2021 soit tenue pour le lancement de cette première fusée. Donc, on verra. En fait, vous savez, l'administration Trump, qui touche à sa fin, comme tout le monde le sait en ce moment. On a noté. C'est avec quelques petits OK, dirons-nous. Ah ben ouais, je parlerai pas de panache pour finir, mais quand même. Oui, non. L'administration Trump avait forcé vraiment pour que un humain et un homme et une femme américaine soient posés sur la Lune avant 2024, enfin en 2024. Ça vous a pas échappé, cette date, c'était avant la fin du deuxième mandat hypothétique de Donald Trump. La Maison Blanche avait demandé un budget en hausse de 12% pour la NASA en 2021. Juste après l'élection américaine qui a eu lieu en novembre, le 21 décembre, le Congrès a tranché, ça sera que 2% de plus. Et surtout, là où ça va être coupé, le budget, c'est sur le module lunaire, le fameux engin qui doit permettre à des humains de se poser sur la Lune. Donc il y a 800 millions de dollars au lieu des 3,5 milliards requis. Ça veut dire, grosso modo, que c'est déjà en train de glisser dans le calendrier. Moins de moyens égale plus de temps pour le faire. Et j'ai l'intuition que l'administration Biden, quand elle va prendre les rênes, aura d'autres priorités que de tenir ce calendrier au forceps qui est trumpien. Donc il y a de fortes chances pour que ça se décale un peu. Quand voilà, même. Et puis on parlait dans cette émission des Mercury 7, là c'est les Artemis 18, hein, puisqu'ils ont 18, et notons-le, à parité, puisqu'il y a 9 hommes et 9 femmes, donc peut-être qu'une femme ira sur la Lune dans ce programme Artemis. Pour finir, Cécile, on parlait d'espèces invasives lundi, là c'est de notre type d'invasion dont il est question, que tout le monde connaît à peu près, mais en fait, quand on s'y penche, on n'estime pas à quel point il met en jeu des mécaniques évolutives extrêmement compliquées. C'est le parasitisme aviaire et on découvre comment le coucou réussit encore et toujours, malgré l'évolution, à chourer le nid des autres. Absolument, pas que les coucous. Il y a parce que ce parasitisme, voilà, de vierge, et on l'a trouvé dans à peu près 7 familles d'oiseaux, mais dont 3 familles de coucous. Voilà, donc là, j'attends rien de spécial en 2021, pour être très honnête. Mais je suis fascinée par ce genre de recherche qui dure depuis très longtemps. Non, c'est vraiment, c'est une histoire extraordinaire. Darwin parlait déjà du coucou dans L'Origine des espèces et montrait qu'effectivement le coucou ainsi épargnait beaucoup de temps et d'énergie pour ne pas construire de nid ni élever ses petits et du coup pouvait en faire d'autres plus. Mais les chercheurs, les zoologues sont toujours passionnés par ce sujet, continuent à travailler dessus et montrent qu'en fait qu'il y a une véritable course aux armements entre les oiseaux parasités et les oiseaux parasites. Voilà. Parce que les oiseaux parasités cherchent évidemment des parades pour ne pas se faire parasiter, mais les parasiteurs font des contre-parades et ça n'arrête pas comme ça. Si je vous donnais juste quelques exemples, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais allez-y, quelques exemples, parce que c'est vraiment une histoire absolument génial, parce que c'est vrai que moi on n'interroge pas la question qui est que finalement que le coucou aille pondre dans le nid des autres, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce que les autres oiseaux se sentent obligés d'élever les petits coucous? Ils pourraient dire ah ben non, celui-là c'est pas le mien, je vais pas l'élever. Mais c'est plus compliqué que ça. Parfois ils essayent, mais ils n'y arrivent pas toujours. Il y a rétorsion. Voilà. Ouais. D'abord il faut qu'ils s'en aperçoivent. Une des premières choses qu'ils essayent de faire évidemment c'est de cacher le nid, en fait. Voilà. Mais on a vu chez certaines espèces qu'une partie de leur cerveau, notamment l'hippocampe, qui est justement lié au repérage spatial, s'était développé pour bien se souvenir où était le nid des potentiels parasités. C'est assez quand même incroyable. Les coucous aussi, parce que là c'est le coucou gris dont je parle, savent se déguiser. En Europe, voilà, ils ont développé une certaine plumage rayé sous le ventre, voilà, et les chercheurs se sont aperçus que ça ressemblait beaucoup au plumage de l'épervier. Et l'épervier est le prédateur des oiseaux hôtes, justement. Donc, du coup, ça leur fait très peur. Ils croient que c'est un épervier et ils laissent le coucou arriver. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des stratégies aussi d'évitement de la part des oisillons. Oui. C'est-à-dire que même l'oisillon, quand il vient d'éclore, finalement, il perpétue cette tradition de parasitisme, y compris dans ses propres comportements. Oui, bien sûr, parce que comme on a tous vu ces images de coucou complètement encore dénudés, sans plumes, déplumés, pardon, voilà, qui essaient de jeter, voilà. Pas qui essaye d'ailleurs, qui réussit en général à éjecter les autres œufs ou les autres oisillons de la couvée. C'est assez incroyable. Ça arrive à peu près à tous les stades de l'élevage des oiseaux. On sait par exemple que chez le coucou jet, voilà, il joue à Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que le mâle arrive, fait vraiment peur au couple des oiseaux qui vont parasiter, et oups, dès qu'ils ont détourné leur attention, il y a la femelle qui arrive et qui arrive à pondre un œuf en moins de 3 secondes. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais. Donc, ouais. Oui, ou même éventuellement quand l'oisillon coucou se fait évacuer du nid par la pie, et ben, oui, il va chercher un autre nid où les pies n'ont élevé que des coucous pour se mettre avec les autres. Ça, c'est une fois qu'ils ont été élevés, effectivement. En fait, les pies, quand elles ont gardé quelques oisillons à eux, une fois que le petit coucou est gros, elles se disent « Oh, celui-là, peut-être pas trop », et elles l'éjectent. Mais s'il n'y en a que lui, elles continuent à l'élever, et si elles l'éjectent, ils vont en chercher d'autres. C'est incroyable. Voilà, c'est tout ça, c'est à lire dans Pour la science, du mois de la couverture, Cécile. C'est la grande tache rouge de Jupiter. Philippe Hénaréros, la couverture de Ciel et Espace du mois de janvier. Alors, il y a un nouveau numéro qui arrive, c'est la nouvelle Voie lactée. Alors, la Voie lactée n'est pas nouvelle, mais la cartographie et l'histoire qu'on en connaît est nouvelle. Mathieu Lefrançois, la une de Science et Vie Junior. Oui, alors qui sort la semaine prochaine, ce sera un dossier « Comment se sculpte votre cerveau ?» Et puis le livre que nous avons coécrit, Mathieu, figurez-vous, si ça vous intéresse et si vous habitez en région parisienne, que mercredi soir, je serai à partir de 18h30 à la librairie Équipage dans le 20e rue de Bagnolet pour un échange, pour discuter, pour le signer pour ceux qui le souhaitent. Bref, soyez les bienvenus, il n'y aura pas beaucoup de place, donc compte tenu des conditions sanitaires, évidemment. Un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui les idées claires consacrées à la sensibilité des enfants aux variants britanniques du coronavirus. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Clément Daté à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de La Méthode Scientifique, lundi, sans chaud, sans froid, nous parlerons de la thermorégulation dans l'évolution. Mardi, nous parlerons du vide, oui, mais le vide, non. En fait, c'est le vide quantique, c'est ni oui ni non. Mercredi, nous parlerons des épimédicaments. Jeudi, nous ferons le point sur la respiration et les échanges gazeux dans le corps humain. Et puis vendredi fiction, nous parlerons du scandale qui a secoué le monde du jeu vidéo en fin d'année. Mais pour évoquer l'univers plus que les bugs du jeu, ce sera une émission consacrée à Cyberpunk 2077. Demain, Étienne Klein recevra Pierre-Louis Lyon. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.